basta. Comme un puzzle, tu as su assembler les pièces de mon cœur. C'est avec toi que je vois ma vie, pour le meilleur et le pire. Bon ou mauvais, je sais que je peux compter sur toi. Où l'on sème l'amour, baby, il y a toujours de la joie. Je donnerai tout pour que notre union soit éternelle. Oh ma chérie, je suis prêt pour toi. Je te suis, tu me fuis, il ne faut pas le nier. On est fait l'un pour l'autre. Ma chérie d'amour va nulle part ailleurs. Tu es la baisse de mon cœur. Sans toi je me sens seul. Je m'isole des eaux, je me sens seul. Je m'isole des eaux, je me sens seul. Je m'isole des eaux, je me sens seul. Je m'isole des eaux. Je déplacerai des montagnes pour toi. Tu es la substance qui manque à mon corps pour avoir une réaction. Ma meilleure amie, c'est toi ma complice. Mon meneur de jeu, tu es mon numéro 10. Ma meilleure amie, c'est toi ma complice. Tu es mon numéro 10. Oh mon bébé, tant pis pour eux, c'est nous deux. Oh mon bébé, tant pis pour eux, c'est nous deux. Je suis fan de toi, je suis fan de toi, je suis prêt pour toi, je suis prêt pour toi. Je suis fan de toi, je suis fan de toi, je suis prêt pour toi. Je te suis, tu me fuis, il ne faut pas le nier, on est fait l'un pour l'autre. Oh ma chérie d'amour va nulle part ailleurs. Tu es la baisse de mon cœur. Sans toi je me sens seul. Je m'isole des eaux, je me sens seul. Je m'isole des eaux, je me sens seul. Je m'isole des eaux, je me sens seul. Je m'isole des eaux. Je te suis, tu me fuis, il ne faut pas le nier. On est fait l'un pour l'autre. Oh ma chérie d'amour va nulle part ailleurs. Tu es la baisse de mon cœur. Sans toi je me sens seul. Je m'isole des eaux, je me sens seul. Je m'isole des eaux, je me sens seul. Je m'isole des eaux, je me sens seul. Je m'isole des eaux. Je m'isole des eaux, je me sens seul.